des avenues, des rues, mais les hommes à ses pieds s'y tendent. Barcelone, fais-lui bien comprendre qu'elle se trompe, quels qu'en soient les mois.